Entre perte de biodiversité et réchauffement climatique, les océans ont de plus en plus de mal à exercer leur rôle de pompe à carbone. Dans ce contexte, des scientifiques imaginent des solutions pour que le carbone bleu ne voit plus rouge et que la pompe se relance. Connaissez-vous les ostracodermes? Une étude récente en 3D des os de ces poissons fossiles révèle un changement cellulaire déterminant pour le développement des vertébrés et donc de la vie sur Terre. Enfin, la Chine part à la conquête de Mars. L'Empire du Milieu devrait poser cet été un atterrisseur et un rover sur la planète rouge, apportant une pierre de plus, et pas des moindres, à la conquête spatiale chinoise. Carbone bleu, évolution des os et Chine sur Mars, c'est notre programme pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour aborder tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marion Sabourdi. Bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes chargée des nouveaux médias à la CASMAT, le Centre de culture scientifique, technique et industrielle de Grenoble. Avec nous également Thomas Cavaillé. Bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Vous êtes journaliste à Science et Vie. Et enfin, Olivier Lascar, bonjour. Oui, bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes rédacteur en chef du pôle digital de notre partenaire Science et Avenir. Mais avant d'entamer ce tour de table des actualités scientifiques, il est l'heure de retrouver comme tous les jours notre phare dans un océan de découvertes. Il s'agit de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence avec le premier sujet de ce journal. Selon une étude parue hier dans la revue Geology, la planète Mars n'est pas brutalement devenue le désert aride que l'on connaît. Oui, on pensait que Mars s'était asséché progressivement au fur et à mesure que la planète perdait son atmosphère. Cette étude montre que la transition climatique martienne fut beaucoup plus complexe. Une équipe internationale, dont des chercheurs du CNRS, a analysé les images haute résolution du rover Curiosity et de son instrument, le ChemCam. Des images qui montrent en détail l'histoire géologique du mont Sharp au centre du cratère de Gale. Cette montagne de 6 km de haut, c'est un peu un millefeuille de couches sédimentaires, avec au sommet les couches les plus jeunes. Alors dans le fond, les roches les plus anciennes montrent qu'elles se sont formées dans l'ancien lac du cratère Gale, puis au-dessus, on distingue des roches qui sont typiques des environnements désertiques et des dunes. Puis au-dessus encore, on retrouve des roches friables qui se sont formées dans des conditions plus humides pour enfin revenir à des conditions sèches. Mars a donc alterné plusieurs fois des épisodes climatiques humides et secs avant de devenir, il y a environ 3 milliards d'années, complètement aride. En bref, selon une étude parue dans Earth and Planetary Science, chaque année, 5200 tonnes de poussière spatiale tombent sur Terre. On sait que l'atmosphère terrestre est remplie de poussière de toutes sortes, mais on ne pensait pas que la pluie de poussière spatiale était si abondante. Pendant 20 ans, une équipe internationale a collecté des micrométéorites en Antarctique. Des particules de moins de 700 micromètres, 0,7 mm, les chercheurs ont ainsi pu estimer le flux de cette pluie de micrométéorites. 5200 tonnes de poussière spatiale qui tombent sur Terre chaque année, et elles proviennent essentiellement de particules de comètes ou de météorites. En bref, toujours selon une étude parue aujourd'hui dans la revue Science, les impulsions radio géantes des pulsars sont beaucoup plus énergétiques qu'on ne le pensait. Oui, les pulsars, ce sont des étoiles à neutrons qui tournent très rapidement sur elles-mêmes et qui émettent un fort rayonnement électromagnétique. Ils émettent parfois des GRP, des impulsions radio géantes, qui restent mal comprises. Une équipe japonaise a observé, dans un certain nombre de fréquences, le pulsar du crabe, à 6500 années-lumière de nous. Les chercheurs ont découvert que pendant les GRP, les émissions de rayons X sont plus brillantes que celles des impulsions normales. Les impulsions radio géantes des pulsars sont des centaines de fois plus énergétiques qu'on ne le pensait. Cette découverte pourrait peut-être expliquer le mystérieux phénomène des sursauts radio rapides, des FRB, qui sont associés aux pulsars. On continue avec le deuxième sujet de ce journal. Selon une étude parue dans la revue Nature, les Homo sapiens et les Néandertaliens, se sont croisés beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait. Une équipe internationale a séquencé l'ADN des plus anciens fossiles d'humains modernes d'Europe. Cet ADN provient de 3 crânes de la grotte Bachokiro en Bulgarie, de 3 individus qui vivaient là entre 46 000 et 42 500 ans, à une époque donc où les Néandertaliens n'avaient pas encore disparu. On estime qu'Homo sapiens s'est établi en Europe il y a 45 000 ans, tandis que les Néandertaliens étaient déjà là depuis 200 000 ans. Alors, le génome de nos ancêtres apporte un nouvel éclairage sur les premiers Européens et sur leur relation avec les Néandertaliens. Ces trois Homo sapiens possèdent 3 à 3,8% d'ADN néandertalien, de grandes étendues d'ADN, ce qui signifie qu'ils avaient des ancêtres néandertaliens assez récents, environ 5 à 7 générations dans leur arbre généalogique. L'entrée de gènes néandertaliens dans la lignée humaine moderne est donc plus ancienne qu'on ne le pensait, et ces résultats suggèrent aussi que les accouplements entre les Néandertaliens et Homo sapiens ont été beaucoup plus courants que nous le pensions. Cette semaine, dans le Journal des Sciences, Natacha, nous avons parlé d'un nouvel outil démographique et sociologique, le mobiliscope, des troubles psychologiques et neurologiques des survivants du Covid-19, des physiciens du CERN qui ont refroidi de l'antimatière par lumière laser et d'une thérapie génique pour retrouver la vue durablement. Mais également, dans l'actualité des sciences cette semaine et en ultra bref, cette semaine, la France a commandé ses premiers trains à hydrogène. 4 régions ont commandé à Alstom 12 trains, des trains bimodes à la fois hydrogène et électrique, qui peuvent rouler sur les lignes électrifiées et en mode hydrogène sans polluer. Le but est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution sonore. Des premiers essais auront lieu fin 2023. Cette semaine, selon de nouvelles projections climatiques, un tiers des plateformes de glace de l'Antarctique risque de s'effondrer. Un réchauffement de 4 degrés au-dessus des températures pré-industrielles provoquerait l'effondrement de 34% de la banquise. Si cela se produit, nous pouvons nous attendre à une augmentation rapide de l'élévation du niveau de la mer le long de chaque littoral de notre planète. Et enfin, cette semaine, on découvre que les lucioles portent un bouclier sonore pour éviter d'être mangées par les chauves-souris. Alors si leur lumière les rend plus visibles et donc plus vulnérables face aux prédateurs, des chercheurs ont découvert, par hasard, que leurs ailes produisent des ultrasons qui correspondent aux plages auditives des chauves-souris. Les lucioles auraient donc développé une armure acoustique pour dissuader les prédateurs. Et voilà qui n'est pas très éloigné du sujet qu'on abordera lundi dans la méthode scientifique, puisqu'on parlera de communication acoustique chez les animaux. Et pour conclure, Natacha, comme chaque vendredi, on termine par la rubrique des sciences improbables. Aujourd'hui, une question et même un mystère de l'évolution humaine. Pourquoi les seins des humains et des femmes humaines sont-ils si gros ? Oui, aucun mammifère ni aucun primate ne possède de seins de façon permanente. Et les scientifiques sont toujours perplexes face à l'évolution des seins chez les humains. Chez les mammifères, sur plus de 5000 espèces différentes, les femelles développent des mamelles, mais de façon temporaire, pendant l'ovulation ou pour l'allaitement. Or, chez Homo sapiens, la poitrine se forme pendant la puberté et non pas pendant la grossesse. Elle persiste après l'allaitement et même après la ménopause. Alors, est-ce une erreur évolutive ? Est-ce un signe ostentatoire sexuel comme les plumes de paon des mâles ? Ou, en tout cas, de nombreuses études ont été menées dans différentes directions et les résultats à ce jour ne sont toujours pas concluants. Tout ça pour ça. Merci beaucoup, Natacha. En tout cas, on vous retrouve lundi. Une réaction, Marion Sabourdi, Thomas Cavaillé, Olivier Lascar à un de ces sujets. Marion Sabourdi, est-ce que dans le journal des sciences de Natacha Triou, vous avez été interpellée par un thème plutôt que par un autre ? Oui, pas mal de thèmes sont intéressants, mais celui sur la paléogénétique m'intéresse particulièrement, parce qu'en plus des liens finalement qu'on voit entre les humains modernes et les néandertaliens, comme l'a indiqué Natacha, l'étude montre qu'en fait, donc l'ADN, qui est cette fameuse machine à remonter le temps dans ce domaine, montre qu'en fait les humains de l'époque en Europe, il y avait une homogénéité, on va dire, culturelle sur les outils, mais pas tant sur l'ADN, en fait. Et ces trois personnes de la grotte en Bulgarie, en fait, auraient une proximité beaucoup plus proche avec l'Asie centrale, enfin, les humains d'Asie centrale ou d'Amérique de l'époque. Et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on s'imagine, voilà, l'Europe de l'époque très, très homogène en termes de population. Et a priori, les résultats de cette étude montrent que non. Oui, il y a beaucoup d'interactions et même beaucoup d'allers-retours. C'est pas seulement une arrivée massive et puis les gens s'établissent. C'était à l'époque encore des nomades, donc il y avait beaucoup d'échanges et c'est ce dont témoigne cette étude passionnante. Thomas Cavaillé, est-ce que un des sujets vous a interpellé plus qu'un autre dans ce journal des sciences ? Moi, je vais dire un peu pareil. En fait, je suis très intéressé par la paléogénétique. Donc, c'est cette étude qui m'a vraiment interpellé. J'adore vraiment cette histoire entre sapiens et Néandertal. On avait déjà vu qu'il y avait déjà eu des sorties d'Afrique en fait bien antérieures, avec des humains qui n'étaient pas encore modernes, qui sont venus aussi rencontré plus Néandertal en Europe, et c'est que il n'y avait pas, ce n'était pas nos ancêtres, mais finalement ils s'étaient déjà hybridés avec Néandertal en fait. Et donc on voit en fait qu'il y a toujours eu des échanges, bien sûr séparés par des milliers d'années, mais c'est super intéressant, je trouve. Olivier Lascar, dans ces sujets, est-ce que l'un vous a plus que l'autre, ou vous a plus intéressé que l'autre, même s'ils étaient tous intéressants? C'était évidemment tous intéressants, surtout le dernier. Mais l'histoire de la matière extraterrestre qui tombe sur Terre. Alors évidemment, on sait que via les comètes, les météorites, il y a des corps extraterrestres qui arrivent jusqu'au sol. Mais cette estimation menée sur un laps de temps tellement important, hein, 20 ans, et cette quantité, 5000 tonnes, hein, disait Natacha, ça me paraît extraordinairement important, hein, de penser à ce saupoudrage comme ça, tombé d'une salière cosmique là, qui atteindrait des niveaux tels. Alors scientifiquement, c'est très intéressant, puisque ça permet peut-être, ça permettra de savoir comment ces micro-météorites ont pu jouer un rôle à l'époque du jeune système solaire dans la façon dont il a été alimenté en eau et en molécules carbonées. Oui, ça. De ce point de vue-là, c'est vachement intéressant. Et puis on imagine même aussi. Même si, Antoine, les résultats d'aujourd'hui ne sont pas adaptables à ceux de l'enfance du système solaire, puisque à l'époque, l'orbite terrestre n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc les résultats ne sont pas parfaitement adaptables. Oui. Et plus prosaïquement, on imagine le travail de fourmi que représente ce travail de recherche de micrométéorites dans des espaces aussi hostiles que l'Antarctique ou bien les déserts très arides du Chili notamment. Enfin bref, on va passer maintenant, on commence le tour de table des actualités scientifiques avec vous Thomas Cavaillé, et un sujet brûlant, celui du rôle des océans dans la captation du CO2. Alors on peut peut-être commencer Thomas par un petit rappel de biophysique. On rappelle souvent, on dit souvent en tout cas que les forêts sont des pompes à carbone, c'est un fait, c'est vrai, mais les océans jouent également un rôle encore plus important dans cette captation de CO2. Est-ce que, d'un point de vue de la quantité de CO2 absorbée par les océans, on a des estimations chiffrées? Oui, tout à fait. On sait que l'océan, lui, chaque année, il pompe, en tout cas c'était le cas en 2020, il a pompé 9 gigatonnes, donc c'est 9 milliards de tonnes de CO2, et ce qui représente en fait à peu près un quart des émissions humaines sur cette même année. Donc c'est absolument colossal. Et c'est ce carbone, effectivement, vous l'avez dit dans la présentation, on l'appelle le carbone bleu. Mmh. Et donc, l'océan, en fait, il pompe généralement, quand on parle de l'océan, il faut parler de deux choses, en fait. C'est les littoraux, qui sont constitués par différents écosystèmes, que sont les mangroves, les marais salés ou encore les herbiers marins. Et ensuite, la haute mer, on va dire, où là, c'est plutôt le phytoplancton, ce sont des algues microscopiques qui vont, eux, venir capter le carbone. Là, on parle d'une pompe à carbone biologique. Il y a une autre pompe à carbone qu'on ne détaillera pas, mais qu'on peut quand même mentionner, c'est la pompe à carbone physique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en deux mots en quoi ça consiste, cette pompe à carbone physique des océans? En fait, le CO2, le dioxyde de carbone, il est soluble, donc il va venir se dissoudre dans l'eau, notamment dans les océans froids. Et ensuite, c'est là que le phytoplancton va pouvoir, par exemple, le capter. En fait, et effectivement, nous, on parle ici de la pompe à carbone plutôt biologique. Ce qu'il faut savoir, c'est que une mangrove ou un herbier salé, en fait, va pomper du carbone 4 fois plus rapidement qu'une forêt tropicale et 10 fois plus rapidement qu'une forêt tempérée. Et ceci pour une simple raison. En fait, la forêt normale, la plante, elle va venir faire de la photosynthèse, c'est-à-dire retirer du dioxyde de carbone de l'atmosphère, créer des sucres avec, et puis créer de l'oxygène, tout ça. Sauf que, donc elle va créer de la matière organique avec ce dioxyde de carbone. Sauf que quand l'arbre meurt, ou la plante meurt, elle tombe sur le sol, et puis elle pourrit. Il y a des micro-organismes qui vont venir se faire un phénomène de putréfaction, et donc ça va relâcher en fait le dioxyde de carbone qui avait été capté dans l'atmosphère, alors que ça ne se passe pas dans l'eau. En présence d'eau salée, en fait, et sans oxygène, dans un milieu sans oxygène, ce processus-là, il ne peut pas se faire. Du coup, toutes les plantes que l'on retrouve dans les écosystèmes dont je vous parlais tout à l'heure sur les littoraux, mangroves, herbiers, et marais côtiers, tout à fait, elles vont se fragmenter à leur mort. Elles vont créer une sorte de matière organique pure, une sorte de vase quasiment constituée de carbone qui va venir s'ensevelir et qui va rester là, en fait. Et donc, c'est pour ça que cette pompe à carbone qu'est l'océan, elle garde le carbone qu'elle capte pour des centaines d'années. Et en plus de ça, on en parlait tout à l'heure, il y a aussi, bien sûr, toute la pompe constituée par les organismes marins. Oui. Parce que vous le dites, le phytoplancton. Je vous interromps juste un instant, Thomas Cavalier, qu'on saisisse bien l'importance de ces pompes à carbone biologiques sur les littoraux. C'est quand même des pompes à carbone qui sont quatre fois plus efficaces que des forêts tropicales. Alors que ça représente un espace quand même bien, bien inférieur. Donc bien là, on perçoit mal. Bien, voilà, l'espèce de vivier précieux et d'emprisonnement précieux du carbone sur ces littoraux. Maintenant, si on prend le large, et je vous laisse prendre le large et nous expliquer ce qui se passe au large en termes de pompes à carbone biologique dans les océans? Alors au large, c'est effectivement plutôt le phytoplancton, on en parlait tout à l'heure, qui va venir capter du carbone, qui lui va se faire manger par des organismes plus gros comme le zooplancton, qui va ensuite être mangé par des poissons, et là on se retourne avec un cycle en fait du carbone qui dépend des populations en fait de poissons. Les poissons ensuite vont mourir et leurs cadavres ou leurs excréments vont venir fertiliser l'eau qui va permettre à des nouvelles algues, donc là du phytoplancton, de croître, et donc ainsi de suite. On a tout un cycle comme ça qui se crée dans la mer. Et sachant qu'il y a... Pardon, je vous interromps encore à nouveau. C'est un cycle extrêmement vertueux puisque ces phytoplanctons sont eux-mêmes constitués de structures carbonatées, donc rien ne se perd et exactement. Tout se transforme. Ouais, toute la vie est créée et de carbone. Donc forcément, effectivement, ça dépend. En fait, c'est ça qui est assez incroyable. Je sais que mon collègue Olivier le saura mieux que moi, mais Science et Avenir a fait un article sur les populations de baleines, et la baleine aussi est un énorme à lire dans le numéro actuel de Science et Avenir. Oui, j'en ai parlé il y a peu là. Et en fait, ce sont aussi des pompes à carbone. Donc en fait, toutes les populations marines aussi participent à ce cycle-là. Alors, ça c'est pour planter le décor un petit peu de cette pompe à carbone biologique. Ça c'est quand tout fonctionne parfaitement. Le problème, c'est que cette pompe commence à dysfonctionner. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les grandes raisons, et puis après on rentrera un petit peu dans le détail, pour lesquelles cette pompe dysfonctionne et ce qui est en train de se passer dans les océans actuellement? En fait, c'est pas tant que ça dysfonctionne, c'est que on commence à peine à se rendre compte de l'importance qu'elle a. C'est-à-dire que c'est une nécessité, bien entendu, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais on a face à nous un allié incroyable de taille qui est l'océan. Parce que, pour vous donner un petit, quelques chiffres, il y a plus de 60% des mangroves qui ont en fait disparu depuis le début de la révolution industrielle. Pareil, plus de 50% des marais qui ont disparu, et pour les herbiers qui sont donc, elles, des prairies vraiment sous-marines, on parle que de plantes, mais elles, eux, ont disparu à hauteur de 30%. Donc c'est autant de pièges à carbone qui ont disparu. Exactement. Et en fait, là, il y a une récente étude qui est parue l'année dernière, je crois, qui estime que d'ici 2050, tous ces écosystèmes pourraient être restaurés comme ils étaient avant la révolution industrielle, et sans trop d'efforts, en fait. On sait que, en fait, l'écosystème marin a une force de résilience assez extraordinaire. Et une capacité de régénération très, très impressionnante. Ouais, c'est ça. On a, par exemple, il y a cet exemple que sont les mangroves du delta du Mékong qui ont été quasiment détruites lors de la guerre du Vietnam au napalm. Mmh. Et en 30 ans, elles se sont quasiment complètement restaurées. C'était les plus grandes du monde. Et il y a aussi, effectivement, des populations de baleines à bosse qui sont en quelques décennies aussi passées de quelques centaines d'individus à quelques dizaines de milliers d'individus aujourd'hui. Donc, en fait, l'écosystème marin, effectivement, il peut se régénérer assez vite. Donc déjà, effectivement, il y aurait peut-être un effort à faire de ce côté-là, d'autant que c'est tout à fait possible. Les populations locales sont apparemment très attachées, par exemple, aux mangroves. Oui. Et il y a plein de projets de restauration qui sont en train de s'effectuer. Et je crois que Ils estiment que d'ici la fin de cette décennie, on pourrait restaurer 20% des mangroves disparues, je crois. Oui. Donc il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Et la chose à savoir, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin, en fait, encore ? Est-ce que plutôt que, est-ce que ça vaudrait pas le coup de reforester l'océan, en fait, de créer nous-mêmes des forêts de kelp, par exemple, c'est une immense algue. Oui. Avant d'en arriver à ces solutions, on peut peut-être revenir à cette question du phytoplancton, parce que c'est évidemment, vous l'expliquez, un allié de taille dans le recyclage du CO2 dans les océans, mais on a un problème, c'est qu'on n'arrive pas bien à évaluer à la fois son état de santé et sa population. Oui, tout à fait, bien sûr, c'est très compliqué. En fait, ce sont des organismes qu'on connaît peu, et en fait, l'océan, c'est un équilibre extrêmement fragile. On sait que là, l'océan se réchauffe et qu'il a tendance à s'acidifier. Oui. Et donc, on connaît encore très très mal les tenants et les aboutissants de cet effet-là sur les populations de phytoplancton. Mais bon, pour être vraiment très catastrophique et alarmiste, il y a une récente étude qui est sortie sur ce qui s'est passé à la crise du Permien-Trias. C'était donc il y a très longtemps, il y a 200 ans. Je ne saurais pas vous dire exactement la date, je ne vais pas m'avancer et vous dire une bêtise. Et en fait, là, l'océan s'est acidifié, je crois, de 0,5. Il a perdu 0,5 en pH et ça a suffi pour détruire 90% des espèces marines. Donc en fait, les équilibres sont extrêmement fragiles et effectivement, il faut qu'on puisse prendre soin de ça. Mais des solutions, effectivement, seraient de créer des forêts dans nos océans. Ce serait une solution, par exemple, pour oxygéner l'océan, réoxygéner l'océan. Là, on en vient justement à ce que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir le kelp, qui sont des algues qui pourraient être des précieux alliés dans la réoxygénation des océans et dans un réamorçage de cette pompe à carbone. Alors expliquez-nous un peu ce que c'est que ce kelp. Ce sont des algues, effectivement, ça fait d'immenses frondes. Elles s'accrochent sur les fonds rocheux et puis ça fait des frondes qui peuvent atteindre 30 mètres. Ça pousse extrêmement vite, ça capte du carbone et ça réoxygène l'océan, effectivement. Mais le problème avec le kelp, c'est que à l'état naturel, lui, il ne va pas participer au carbone bleu, il ne va pas au fond de l'eau, comme on le disait tout à l'heure, participer à cette couche de vase carbonée qui s'établit avec les plantes que l'on trouve, par exemple, aux mangroves. Mais en fait, si jamais on fait ce genre de forêt, ce qui serait tout à fait possible, qui pourrait aider, enfin, faire de l'océan un allié encore plus puissant dans la lutte contre le changement climatique, il faudrait aussi se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces algues. Parce que j'ai cité le kelp, mais il y en a d'autres que l'on pourrait cultiver tout simplement dans l'eau. Oui. Et il y a plusieurs solutions qui existent. On pourrait l'intégrer à notre alimentation, comme c'est déjà fait dans certains pays, ou alors l'intégrer dans l'alimentation animale, par exemple, ce qui pourrait, en plus de ça, réduire certaines émissions de méthane, ou alors les utiliser comme fertilisant. Et il y a même de plus en plus de projets qui se montent comme... faire des bioplastiques à partir d'algues ou faire des biocarburants. En fait, il y a peut-être quelque chose effectivement à creuser à ce niveau de penser à faire des forêts d'algues dans l'océan. Alors ces objectifs-là, ils sont plantés. Vous l'évoquez dans votre article paru dans Science et Vie, il y a des chercheurs, notamment un certain océanologue qui s'appelle Carlos Duarte, qui en 2020 évoquait dans un article de Nature que ces objectifs de réoxygénation, de réamorçage de la pompe à carbone des océans étaient atteignables d'ici à 2050. Est-ce que, tout à fait, pour vous, c'est réalisable ? Est-ce que ça semble raisonnable comme objectif ? C'est compliqué à dire. Ça me paraît très compliqué à dire. Il faudrait effectivement que tout le monde s'y mette. Et le problème, c'est avec ça que d'ailleurs que l'on commence dans notre article, c'est que dans les grandes organisations de lutte contre le réchauffement climatique, l'océan est encore assez peu cité. Donc il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience au niveau mondial de cet atout, en fait, c'est réellement un atout que l'on a dans la lutte contre le réchauffement climatique, qui n'est pas encore assez assez démocratisé, assez visible. Ouais, ça mais reste, si, c'est ça reste clair, un espace, malgré le fait que ça représente une surface prépondérante sur Terre, ça reste un espace très très méconnu et dont on comprend encore assez mal finalement et la vie et les interactions. Ah, tout à fait, vous avez raison. Nous, on est des animaux terrestres. Hein, on a pourtant, c'est 70%, je crois, de la surface du globe, l'océan. Donc, on a encore du mal à se pencher dessus, mais ça va venir en tout cas. Alors, vous évoquiez. Il y a des projets qui se montent. Ouais, vous évoquiez justement, Thomas Cavallé, ces projets qui se montaient. Donc, on pense à ces forêts sous-marines avec de kelp qu'on pourrait éventuellement replanter, le recours à certaines espèces d'algues. Il y a d'autres projets qui semblent un peu plus farfelus, où on est jamais très loin des apprentis sorciers du climat. Alors, racontez-nous un petit peu ces quelques autres projets. On va pas trop s'attarder dessus, parce que ça semble un petit peu compliqué à mettre en place. Oui, apparemment. Alors, celle parmi ces idées-là, futuriste un peu, il y en a une que moi je trouve assez forte, c'est désacidifier l'océan. En fait, c'est que je vous en parlais tout à l'heure, l'océan risque de devenir trop acide, justement, par ce CO2 qui se dissout, en fait, dans les eaux. Et donc, une des solutions serait de relâcher des roches broyées basiques comme du calcaire ou du basalte pour, par réaction chimique, un peu faire réduire l'acidité de l'océan. Et il y a par exemple ça, il y avait aussi la stratégie de fertilisation océanique par le fer, c'est-à-dire là, c'est créer d'immenses proliférations de plancton en ajoutant du fer dans les zones où l'élément est limitant. C'est des projets assez fous. C'est des projets assez fous et qui règlent finalement pas certains problèmes qui sont sous nos yeux, des problèmes notamment comme la pêche industrielle. Alors loin de nous l'idée de blâmer les pêcheurs, c'est un métier qui reste parmi les plus durs sur cette planète, mais la pêche industrielle a quand même des conséquences importantes sur la vie des océans. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu quels sont ses effets, parce que ça provoque quand même des espèces de cercles vicieux, cette pêche industrielle? Eh bien, en fait, c'est comme on le disait tout à l'heure, les organismes vivants marins participent à ce cycle de carbone. Donc, quand on les retire tout simplement du milieu, c'est tout autant de carbone bleu que l'on retire. Mais pour revenir sur la pêche industrielle, il faut savoir qu'il y a eu des gros efforts qui ont été faits, mine de rien, ces dernières années. Là, je crois que c'est un rapport de l'IFREMER en 2021, là, en février, qui montrait qu'il y avait aujourd'hui 60% des populations qui étaient exploitées durablement. Okay. Contre 15% il y a 20 ans. Donc il y a vraiment des efforts qui sont faits un peu partout. En fait, c'est en tâtonnant sur tous les côtés, sur tous les écosystèmes différents du milieu marin que l'on pourra restaurer un peu cette merveilleuse pompe à carbone. Ouais, et pour limiter aussi cette surpêche qui oblige les pêcheurs à aller toujours plus loin pour trouver du poisson. Oui, du coup, ça augmente la consommation de carburant, donc les émissions de CO2. Et puis il y a aussi les conséquences du chalutage profond. Ça, on peut peut-être en parler sur la libération justement du CO2 qui est enfoui dans les sols marins. Eh oui, comme on le disait, les fonds marins sont faits de cette vase de CO2 que l'on estime, une fois qu'elle est posée au sol, un peu pérenne et qu'elle ne sera pas relâchée dans l'atmosphère, bien entendu, mais aussi dans les eaux de surface où il y a les zooplanctons et donc pas participer au réchauffement. Et c'est vrai que le chalutage vient de déranger un peu tout ça. Voilà, donc on comprend que la pompe à carbone océanique est réduite, enfin l'efficacité en tout cas de cette pompe à carbone est réduite. Une réaction éventuellement à ce que vient de dire Thomas Cavallé sur cette pompe à carbone, Marion Sabourdi? J'avoue que c'est un domaine que je maîtrise pas trop, mais en tout cas, je suis assez à la fois fascinée et assez effrayée par toutes ces solutions un peu de, je sais pas si on appelle ça de la géo-ingénierie ou oui, en tout cas ça, de, ouais. Vraiment de gros travaux comme ça, en tout cas d'action de l'homme pour faire basculer des phénomènes qui sont assez monumentaux dans leur ampleur. Et voilà, je me pose beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que ce qu'on risquerait pas, c'est de déclencher des réactions en chaîne qu'on maîtriserait pas? Oui, d'aggraver le problème finalement. Exactement. Que de le régler. Olivier Lascar, une réaction à ce sujet de Thomas Cavallé sur la pompe à carbone océanique? Bon, c'est fascinant de voir à quel point le monde des océans, si vaste, hein, ça a été rappelé par Thomas, si vaste à l'échelle de la planète, est encore méconnu dans ses effets même. Hein, cette capacité à absorber le carbone difficilement chiffrable. Thomas a cité le pouvoir des animaux marins, des baleines, les poissons même, hein, les poissons qui sont autant de petites pompes à carbone également menacées, puisque la consommation des poissons, c'est quelque chose qui a explosé en 50 ans, selon le WWF. On considère que chaque humain mange deux fois plus de poissons qu'il y a 50 ans. Donc, c'est un combat qui est à mener sur tellement de fronts qu'il peut donner le vertige. Pour autant, moi, je trouve que ces projets d'ingénierie, bon, il y a peut-être des bonnes choses à en garder. Il faut voir sur d'autres sujets, par exemple, les épaves sous-marines. Oui. Les épaves sous-marines qui deviennent des pouponnières à organismes marins, au corail. Et aujourd'hui, il y a des programmes qui sont financés, par exemple, par l'ANR pour sauvegarder, pour sauver ces épaves qui sinon sont menacées par la corrosion et qui peuvent, au bout de plusieurs décennies, purement et simplement disparaître. Donc, bon, la main de l'être humain peut aussi avoir des apports positifs. Croisons les doigts pour nos océans. Restez avec nous, on va continuer juste après la musique notre tour d'horizon des actualités scientifiques. On va parler d'un changement crucial dans l'évolution des cellules osseuses et des ambitions chinoises dans la conquête de Mars. D'abord, il y a eu la paix. La paix qu'on entretenait chacun en posant un flingue sur la tempe de l'autre. Puis il y a eu les hommes. Beaucoup d'hommes. Que des hommes. Pour bien faire tenir tout ça, on a mis des murs. Dans les têtes, dans le ciel, dans le désert, dans la mer. Fallait pas qu'on s'inquiète. On avançait, sans progresser certes. On faisait croire, on avançait. Mais c'est comme tout. Pendant une chute, on croit toujours voler. Pas demain la veille, c'est putain qui nous fera la mort. Nous fera la mort. Non, nous sommes des filles et des garçons manqués. Non. Nous sommes le sol qui se dérobe sous nos pieds, nous. Nous sommes les témoins du monde qui régresse, nous. Le poing dans le visage de la sagesse, nous. Nous sommes la preuve du contraire. Les coups de pied dans la portière, nous. Nous sommes la réussite par l'échec, nous. Des mauvaises filles, des mauvais mecs, nous. Nous sommes des attardés du cœur, quelques balles dans le corps. Des présumés capables, des héros un peu sales. On dégenre, on dérange, on dérange, on dérange, tu dégages, nous. Nous on marche la nuit dans la vie, soit on s'emmerde, soit on fuit. Nous sommes des cartes bleues bloquées. Nous sommes des rendez-vous ratés. Hey, allez, reste, allez, reste, allez, reste, allez, reste, on est fort. C'est pas demain la vie. Joie de décevoir, nous sommes la face cachée de la belle histoire. Nous sommes plutôt bien élevés, nous sommes une sexualité accidentée. Nous sommes un joli film d'erreur, un joli film d'erreur. Une arme blanche à la place du cœur. Vous écoutiez Monde par Martin Luminet dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous faisons le tour d'horizon aujourd'hui de l'actualité scientifique avec Thomas Cavaillé, Marion Sabourdi et Olivier Lascar. Alors, on a parlé à l'instant de la pompe à carbone océanique avec Thomas Cavaillé et on reste dans l'eau mais aussi dans l'os. Excusez-moi pour ce jeu de mots déplorable avec vous, Marion Sabourdi. Et une découverte déterminante pour comprendre l'évolution des vertébrés. Qui dit vertébrés dit structure osseuse. On peut peut-être, Marion, si vous le voulez bien, rappeler l'importance de notre tissus osseux et les avantages qu'ils nous confèrent avant d'aller voir ce fossile. Oui, alors l'os, c'est un tissu conjonctif solidifié et donc chez les vertébrés, il apporte sa structure et son soutien au corps finalement. Mais je pense que ce qui est important et intéressant là, c'est que c'est aussi un tissu qui est en évolution constante et qui est impliqué dans pas mal de processus en fait, comme la formation des cellules sanguines, le métabolisme du calcium, le stockage de minéraux. Donc c'est vraiment un tissu particulièrement intéressant. Bon, il se trouve qu'en plus, ça peut se fossiliser. On peut étudier les os d'êtres fossiles et c'est le cas là dans cette étude. C'est là qu'on arrive justement à cette étude qui a été menée par des chercheurs à Berlin, je crois, et qui est parue dans la revue, oui, Science Advances. Alors ils ont travaillé sur les restes fossilisés d'un très très lointain ancêtre des poissons actuels, un poisson préhistorique. Alors de quel poisson il s'agit ? Alors en fait, ils ont travaillé sur deux types de poissons préhistoriques. C'est là qu'on sort les noms latins. Donc sur Tremataspis mammilata, donc qui est un ostracoderme, comme vous le disiez Antoine, qui est dépourvu de mâchoire et qui vivait au Silurien à peu près il y a moins 425 millions d'années. Peut-être le décrire, cet ostracoderme. Oui, alors c'est ces poissons. Alors je pense, on a un peu cette image de poisson osseux avec une grosse carapace, grosse tête comme ça, une queue articulée, qui est un peu effrayant, hein, qui vivait, qui était parmi les seuls êtres vivants, on va dire, de l'époque, en tout cas dans l'océan. Hein, qui vivait plutôt au fond des océans, je crois. Fond des océans, exactement. Et le deuxième, qui est un peu sur le même modèle finalement, qui avait un petit peu la même tête, mais qui est un petit peu plus récent, c'est Botryolepis trotscholdi. Et lui, c'est un placoderme à mâchoire, donc un peu plus récent. Et lui, il a une mâchoire. Il date du Dévonien à moins 380 millions d'années. Alors pourquoi ces chercheurs se sont intéressés à ces deux spécimens-là particulièrement dans l'étude de la compréhension du développement osseux chez les vertébrés ? Alors en fait, je me base en partie donc sur l'étude et aussi sur un thread Twitter de l'autrice principale de l'étude qui s'appelle Yara Aridi, et le thread est super intéressant, j'espère que vous pourrez le partager. On va pouvoir le relayer, bien sûr. Et où elle explique justement, donc elle s'intéresse aux os et en particulier à certaines cellules osseuses qui s'appellent les ostéocytes. Donc c'est les cellules qui vivent au sein même du tissu osseux. Et leur intérêt, c'est qu'elles sont logées dans une cavité qui est creusée dans l'os. Et donc comme vous l'imaginez, ces cellules, elles survivent pas du tout au processus de fossilisation. Elles n'existent plus dans les fossiles. Par contre, la cavité dans laquelle elles étaient placées, elles restent. Et on peut la voir en fait. C'est comme un moule ou un négatif de la cellule. Et ce qui est très intéressant, c'est que les premiers vertébrés ne possédaient pas d'ostéocytes, c'est bien ça ? Exactement, les poissons plus anciens n'en possédaient pas, et ceux-là, donc Trematospis et Botryolepis, c'était parmi les tout premiers à avoir des ostéocytes, donc ça, on le savait déjà. En revanche, les techniques d'imagerie utilisées jusque-là permettaient vraiment pas du tout d'observer précisément ces cavités. On savait qu'elles existent, on pouvait les observer avec certaines techniques, comme la microscopie électronique à balayage, par exemple, qui est assez précise, mais pas encore assez pour pouvoir notamment regarder le détail de ces cavités et les petits canaux qui passent entre ces cavités-là. Et c'est là que la méthode scientifique est intéressante, c'est que là vous parliez de moyens d'observation, je crois qu'ils ont eu recours, cette équipe, l'équipe de Yara Aridi, à un moyen assez inédit d'observer ces os-là. Oui, alors c'est une histoire moi que j'adore quand ça se passe comme ça en science. Donc Yara Aridi, elle explique qu'elle est allée pour toute autre chose, elle a visité le Helmholtz Center Berlin, pour toute autre chose, et en fait c'est en regardant un poster et des images sur ce poster scientifique qu'elle découvre une technique. Donc c'est, pour les petites histoires, c'est la tomographie FIB-SEM, j'en parlerai peut-être juste après comment ça fonctionne. Et donc ces images, ça montrait des tests de corrosion de batterie. Donc en fait rien à voir avec les fossiles, mais comme les électrodes de ces batteries ont un réseau assez fin de canaux pour le transport des ions, en fait Yara Aridi, donc la paléontologue, elle a trouvé que ces images ressemblent énormément aux cavités, aux petits canaux qu'elle étudie dans les os. Et donc elle a tout simplement demandé l'autorisation d'utiliser cette technique pour pouvoir étudier ces fossiles. Les bons scientifiques sont aussi de grands opportunistes et savent faire feu tout bois, et c'est pour ça que ce sont des gens qu'on admire. Alors quel intérêt a cette méthode-là dans le cadre de notre étude ? Alors l'intérêt, c'est que donc elle utilise un faisceau d'ion gallium qui est focalisé et qui enlève le matériau de la surface de l'échantillon, donc il couche après couche comme ça, il creuse l'échantillon, il s'enfonce, et en même temps on a un faisceau d'électrons qui scanne la partie donc qui est mise au jour et qui fournit des données pour la création d'images 3D avec une résolution qui est vraiment beaucoup plus importante, inégalée, 100 fois plus précise. Voilà, c'est vraiment rien à voir avec les techniques préalables. Alors par contre, on voit tout de suite que le défaut, c'est que cette technique détruit l'objet qu'elle observe. Oui. Donc on ne peut travailler que sur des petits prélèvements, mais quand même, ça permet de faire des découvertes, notamment celles dont on va parler. À partir de ces observations-là, qu'est-ce que l'équipe de Yara Aridi a découvert ? Alors, ils ont utilisé ces données, ils ont d'ailleurs utilisé un réseau de neurones qui est un peu, qui a su reconnaître un petit peu tout ça dans cette espèce de gruyère, on va dire, et qui a créé des images en 3D qu'on voit dans le thread de la chercheuse, qui sont vraiment impressionnantes et qui ont permis à la fois d'étudier la forme donc de ces cavités, l'agencement donc de ce qui étaient les ostéocytes à l'époque, mais qui sont les cavités maintenant, la présence de ces petits canaux qui permettent aux ostéocytes de communiquer entre eux, d'échanger des minéraux, mais surtout en fait ce qui est vraiment le plus important là dans cette découverte, c'est que Yara Aridi a repéré une sorte de halo autour des cavités, donc des zones de plus faible densité osseuse, comme si l'os avait été rongé en fait autour des cavités. Et ça, elle a reconnu que vraiment un processus physique qui existe chez nous, chez les humains, chez les vertébrés plus récents, on va dire, c'est l'ostéolyse. Et donc ça, c'est quand les cellules de l'os dissolvent autour d'elles l'os pour relâcher des minéraux dans la circulation sanguine. Et là, c'est vraiment quelque chose de particulièrement déterminant dans l'évolution de la vie des vertébrés, parce que là, si je comprends bien, l'os n'est plus seulement une carapace, mais ça devient aussi une sorte de batterie qui envoie de l'énergie dans le corps. Exactement, oui. Donc les os stockent des minéraux et nous, c'est comme ça que finalement on peut, en grattant comme ça nos os, réguler notre taux de minéraux et nos muscles en fait utiliser ces minéraux. Donc là, en l'occurrence, on savait qu'il y avait la présence de ces ostéocytes. On pouvait éventuellement se douter qu'il y avait ce processus, mais on n'avait pas du tout la preuve. Mmh. Et là, ça montre que ce processus existait et donc sûrement que ces poissons utilisaient ce phénomène pour récolter du calcium, du phosphore, des minéraux et alimenter leur système sanguin et donc pouvoir sans doute, enfin d'après en tout cas la chercheuse, pouvoir procéder à des longues migrations, enfin voilà, nager beaucoup plus longtemps et avec beaucoup plus d'efficacité que les poissons qui en étaient dépourvus. Et donc pourquoi pas mener à terme aussi avec l'évolution au fait qu'une partie de ces poissons, les futurs vertébrés plus récents ont posé le pied sur Terre et pourquoi pas aussi en donner plus tard des animaux qui pondent des œufs et donc qui peuvent produire les coquilles d'œufs avec le calcium, des animaux, un autre procédé comme la lactation par exemple. Ouais. Donc voilà, toute évolution qui sont arrivées après, ça peut être lié à cette ostéolyse. Oui, donc ça, vous le rappeliez à l'instant, c'est hyper important de rappeler que ces batteries osseuses, elles fournissent du calcium qui est pour le coup, vraiment essentiel pour la fabrication d'œufs, mais aussi pour la lactation. Alors on peut dire un grand merci aux ostéocytes, c'est ça qu'il faut retenir de cette étude pour la vie sur Terre ? Oui, je pense que alors c'est sûrement pas du tout la seule source et la seule cause de la vie sur Terre, mais d'après cette étude, ça peut vraiment y contribuer fortement. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui se posent ? C'est souvent le cas en science, à partir d'une étude, une autre question se pose. Est-ce qu'à partir de cette étude des ostracodermes et des placodermes, on peut parvenir à d'autres interrogations sur cette évolution des vertébrés ou bien pas trop ? Alors bonne question. Moi, j'étais surtout attirée par finalement l'usage de cette nouvelle technique, plus que d'autres questions ou d'autres interrogations. La chercheuse pointe le fait que cette technique, alors qui certes est destructive, mais qui a été jamais utilisée jusque-là, on pourrait l'appliquer à d'autres fossiles, donc sur vraiment tout autre sujet que l'ostéolyse, par exemple l'appliquer aux fossiles d'embryons, de dents, de plumes, et du coup découvrir des choses qu'on n'avait pas du tout pu concevoir jusque-là. Donc je pense que c'est en tout cas c'est le plus intéressant à côté de l'ostéolyse, je trouve, dans cette étude, c'est cette nouvelle technique. Arriver à la compréhension de l'évolution des mécanismes cellulaires, on n'arrête pas la science et on n'arrête pas le progrès, c'est tant mieux. Thomas Cavaillé, est-ce que vous avez une petite réaction à apporter à ce sujet passionnant sur l'analyse des os des poissons primitifs ? Oh ben c'était très riche, j'ai appris plein de choses, donc ça va être difficile de réagir sur ce sujet en particulier, mais effectivement, moi, je suis aussi assez émerveillé par l'utilisation de nouvelles technologies pour sonder les ossements anciens. Je sais qu'il y a pas si longtemps, Littlefoot qui est un fossile d'Australopithèque, a fait le voyage depuis l'Afrique du Sud pour le rayonnement synchrotron à Londres aussi. Donc là, c'est aussi un rayonnement électromagnétique pour regarder les structures osseuses, les microstructures. On a découvert plein de choses sur l'individu en général. C'était une femelle, donc sur cet individu. Et notamment qu'il avait pu changer de régime alimentaire au cours de sa vie. Et enfin, je trouve ça assez formidable qu'on arrive à révéler des choses pareilles avec notre technologie actuelle. Oui, au-delà de toute considération pour l'ADN qui se dégrade très vite. Olivier Lascar, oui. Est-ce que vous avez une réaction sur cette étude berlinoise sur les ostracodermes et les placodermes ? Moi, je voulais faire une remarque un peu de côté par rapport à quelque chose qu'a dit Marion Sabourdi et question qu'elle connaît très bien parce qu'elle la pratique beaucoup et qu'elle l'enseigne. Elle a relevé que c'est dans un thread que l'autrice principale du papier a explicité certains aspects de sa démarche qui sinon seraient demeurés obscurs, voire même inconnus. Et je trouve ça assez formidable de pouvoir mettre de temps en temps le projecteur sur le fait que les réseaux sociaux et Twitter, en l'espèce, qui sont des plateformes dont on parle énormément de nos jours, mais c'est souvent pour en dire beaucoup de mal, ça peut être aussi des instruments de promotion des sciences, d'explicitation et de vulgarisation assez formidables, hein, puisque les threads, ce sont ces cascades de tweets qui se répondent les uns aux autres. Et ça, j'aime bien cette idée. Sur les poissons eux-mêmes, moi, j'ai pensé à une autre étude qui n'a rien à voir, mais qui a été publiée cette semaine ou il y a une quinzaine de jours, qui vient de scientifiques de Genève, de l'université de Genève, qui sont intéressés à la perte d'écailles chez les poissons et qui se sont rendus compte que c'était quelque chose qui dépendait de leur habitat, que les poissons en eau profonde, si je me souviens bien, sont ceux qui perdent leurs écailles. Et voilà, ça n'a rien à voir avec l'étude de Marion, mais décidément, il y avait beaucoup de choses à dire autour de la faune aquatique et des poissons ces temps-ci, hein, avec aussi le sujet de Thomas. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Et on termine notre tour de table avec vous, Olivier Lascar. On part sur Mars, qui est un peu the planet to be en ce moment. On a tous vu les images de Persévérance qui ne cessent de nous enchanter. Mais voilà que s'annonce un nouveau candidat au débarquement sur Mars. Alors, c'est la Chine. À l'heure actuelle, Olivier, une sonde est en orbite autour de Mars, c'est bien ça? Voilà, ça a vraiment été l'année de Mars, hein, parce qu'il y avait une fenêtre de tir, hein, qui dépend de la proximité entre la Terre et Mars, qui est plus ou moins importante, hein, puisque toutes les deux tournent autour du Soleil, évidemment. Et en juillet dernier, c'était le bon moment, en juillet 2020, c'était le bon moment pour partir vers Mars. Et donc on a vu partir trois missions différentes. Il y avait une mission, évidemment, une mission américaine, celle qui a vu se poser le rover Perseverance, comme vous le disiez, Antoine. Il y a aussi une mission qui venait des Émirats Arabes Unis, la mission à la malle, qui est arrivée aussi en février. Et puis, il y a cette fameuse mission chinoise. Alors, ça donne l'objet d'un papier du journaliste Franck Daninos, qui est à lire dans le dernier numéro de Science et Avenir, et qui raconte comment la Chine part résolument à la conquête de Mars. C'est le titre de ce papier. Alors, cet orbiteur Tianwen-1, qu'est-ce qu'il emporte avec lui? Et je crois que c'est à la fois une grande prouesse qu'est en train d'accomplir la Chine. Bon, il va falloir qu'il se pose sur la planète Mars, mais je crois que c'est une grande première, en tout cas, c'est la première fois qu'un pays emporte un orbiteur qui comporte un atterrisseur et un rover. C'est ça. Cette mission 3 en 1, parce qu'elle est aussi ambitieuse, c'est une première. L'engin qui est arrivé à bon port, c'est-à-dire en orbite de Mars en février dernier, le 10 février, c'est donc l'orbiteur, hein, oui. Une sorte de sonde, un satellite qui désormais tourne autour de la planète Mars. Et il tourne autour de la planète Mars pour engranger des données scientifiques, puisqu'il est équipé de pas mal d'instruments, des magnétomètres, des spectromètres, mais il est aussi équipé de caméras, et ces caméras, elles sont en train de photographier Mars pour repérer l'endroit sur la planète rouge où va se poser l'atterrisseur. C'est la deuxième partie de cette mission, 3 en 1, c'est l'atterrisseur. L'atterrisseur, c'est une capsule qui va être larguée d'ici quelques mois, le temps d'avoir repéré, justement avec les photos que je disais, le temps d'avoir repéré le bon endroit. Cet atterrisseur, il va être largué par l'orbiteur vers Mars. Alors c'est une capsule qui est dotée d'un bouclier thermique qui va pouvoir résister aux hautes températures qui vont être générées par la friction entre la capsule et l'atmosphère martienne, parce que même si l'atmosphère martienne est ténue, elle existe, ça va chauffer dur, quoi. Et au bout d'un moment, il y a un parachute qui va se déployer, un parachute de 16 mètres d'envergure, si je me souviens bien, et l'atterrisseur, va doucement, relativement doucement, parce que ça va quand même aller vite, se poser sur la planète Mars. Et une fois que l'atterrisseur sera là, il va déployer, il va ouvrir une petite porte, il va déployer des rails, et là va sortir le troisième élément de cette mission, c'est le rover, l'astromobile. Quels seront les objectifs scientifiques de cette mission-là, une fois que le rover sera à la surface de Mars ? Alors, il y a effectivement, Antoine, vous avez raison de le dire, il y a de vrais objectifs scientifiques, parce que ce qui est caractéristique de cette mission chinoise, c'est son envergure pour une première à destination du sol martien. Mais longtemps, les Chinois n'ont fait que refaire certaines technologies spatiales qu'avaient fait d'autres pays avant eux, hein, les États-Unis, la Russie, l'Europe. Aujourd'hui, ils ont vraiment l'ambition de repérer de nouveaux éléments, de faire de la science. Là, il est par exemple question d'aller cartographier les sous-sols de la planète Mars et de repérer les poches de glace solide qui pourraient exister, notamment dans la zone qui a été choisie. Alors, on ne sait pas exactement, oui. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, on ne sait pas exactement où va se poser l'atterrisseur, mais par contre, la zone qui fait 3000 km de large, qui s'appelle Utopia Planitia, elle a été repérée parce qu'on sait qu'elle peut cacher en son sein des poches de glace, notamment. Alors, est-ce que, vous l'expliquez à l'instant, on l'a bien compris, l'orbiteur est en train de tourner autour de Mars, il cherche en quelque sorte une place de parking, l'atterrissage ne va pas être vraiment aisé. Est-ce qu'on a une idée à peu près de la date de cet atterrissage de ce rover chinois sur Mars ? On a une sorte de fourchette, hein, ça se passera entre mai et juin. Ça n'est pas une surprise parce que la Chine ne dispose pas des cartes à haute résolution de la surface martienne qui lui auraient permis de faire le boulot en amont, hein, de définir finement avant l'endroit où il fallait atterrir. En l'espèce, en fait, elle démontre sa virginité sur la question martienne, en quelque sorte, hein, puisque c'est la première fois qu'elle s'en rapproche aussi près. Les Américains avaient fait de même en 1975, avec l'émission Viking, oui. Puisque plusieurs mois avaient séparé l'insertion en orbite des sondes en question de leur atterrissage. Le temps, justement, de repérer la bonne place de parking, comme vous disiez. Alors, cette mission... Dites-moi. Non, je disais, il s'agira aussi de... Évidemment, il faudra trouver un site qui soit relativement plat, hein, parce que le rover, l'astromobile, qui va être une sorte de version agrandie des rovers que la Chine a déjà envoyés sur la Lune avec les missions, notamment la mission Chang'e 5, les rovers U2. Là, ça ressemble un petit peu à la même chose. D'une certaine façon, ça va évoquer aussi Curiosity et Perseverance, hein. Ce sont des plateformes roulantes avec six roues et une sorte de mât télescopique. Alors évidemment, il ne faudra pas que la surface elle soit trop vallonnée parce que notre petit rover ne va pas jouer les 4x4. Mais il faudra aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de poussière. On parlait de poussière extraterrestre tout à l'heure, la poussière extraterrestre qui pouvait arriver jusque sur la Terre. De la poussière, il y en a aussi à la surface de la planète Mars, et il ne faut pas qu'il y en ait trop à l'endroit où va atterrir la mission martienne, sans quoi ça pourrait endommager le véhicule. Alors Olivier Lascar, vous évoquiez à l'instant, et vous faites bien, une autre mission chinoise, Chang'e 5, à bord de la Lune. La Chine n'en est vraiment pas à son coup d'essai, on a l'impression qu'il y a un boom chinois, mais ça fait depuis les années 70 que les Chinois envoient le premier satellite, que les Chinois s'intéressent à l'espace. Quels sont les objectifs? Parce que là, on comprend bien qu'il y a une espèce de boom chinois en ce moment dans le domaine du spatial. Quels sont les grands objectifs de la République de Chine dans le domaine spatial, en plus de Mars? Est-ce qu'on peut évoquer d'autres missions clés? Alors, ce boom, hein, on peut l'appeler aussi le rêve chinois, oui. En reprenant la terminologie qu'a pris le président Jinping, voilà, oui. quand il est arrivé en 2012. Et ce rêve chinois, pour eux, ça doit se traduire par le fait que la Chine devienne la première puissance mondiale en 2049, c'est-à-dire au centième anniversaire de la création de la République populaire. Et donc ça passe évidemment par une dimension scientifique, technologique et symbolique. Et donc l'accès à ce qu'on peut appeler l'espace profond, hein, c'est une expression à la mode, c'est-à-dire au-delà de la Lune, c'est un signal très fort pour la Chine comme tous les autres pays. La prochaine étape, elle est encore martienne, hein, c'est dans une dizaine d'années, c'est le retour d'échantillons. Du reste, ils viennent de le faire pour la Lune, hein, puisque la dernière mission Chang'e 5 a ramené vers la Terre des échantillons de notre satellite, ce qui n'avait jamais été fait, hein, depuis les missions Apollo et des Américains et Luna des Russes. Donc là, la Chine l'a fait pour s'agissant de la Lune. Et ils espèrent le réaliser pour la planète Mars d'ici une dizaine d'années. Il y a une concurrence, du coup, avec les États-Unis, il y a une concurrence qui est de l'ordre scientifique, mais une concurrence également symbolique, vous le disiez. Il n'y a pas encore quand même d'égalité parfaite entre les deux en termes de moyens investis, notamment dans le spatial. Les États-Unis restent en tête. Voilà, pour reprendre la formule de notre journaliste de Sciences et Avenir, Franck Daninos, il dit le match est plié quand on regarde les budgets qui sont investis. Parce qu'aujourd'hui, il y aurait une centaine de milliers de personnes qui, en Chine, travailleraient dans le secteur spatial et les dépenses annuelles avoisineraient les 10 milliards de dollars. Du côté des États-Unis, c'est beaucoup plus important, c'est 43 milliards de dollars. Néanmoins, l'accélération qu'a prise la Chine ces dernières années, ça rappelle les fameuses courbes exponentielles dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois sur d'autres sujets, et on peut se demander si à un moment la Chine, là aussi, ne va pas dépasser les États-Unis. Mais pour l'instant, c'est ce qui est aussi rappelé dans le papier de Franck Daninos, c'est que la Chine n'est pas du tout va-t-en-guerre sur ce sujet-là. Hein. Ils ne sont pas en train de claironner qu'ils vont devenir la première puissance spatiale ou qu'ils vont dépasser les États-Unis. Ils sont plutôt occupés à développer des programmes un peu alternatifs avec le Brésil, avec la France. Même, oui, avec la France, oui. Et on sait que Thomas Pesquet apprend le chinois hein, depuis quelques mois, il en a suffisamment parlé. C'est une compétition un petit peu soft quand même entre la Chine et les États-Unis sur ce terrain-là. Avec quand même en ligne de mire la première puissance mondiale qui posera des humains sur la planète Mars. Là, on parle quand même d'horizons encore plus lointains. Oui, là, peut-être le milieu du 21e siècle, mais on peut douter que ça arrive avant. Évidemment, le symbole sera extraordinaire quand ça arrivera et on peut de plus en plus considérer que ça ne relève plus de la science-fiction. Une brève réaction avant la fin de l'émission à ce sujet d'Olivier Lascar, Marion Sabourdi. Alors, pas vraiment une réaction scientifique, mais ça me fait penser à tous ces robots qui se baladent ou qui tournent autour de Mars, donc la seule planète qui habite uniquement par des robots de toute nationalité, du coup, et c'est assez marrant à imaginer. Oui, c'est incroyable, cette colonisation lente mais sûre qui est en train de se produire sur Mars. Merci beaucoup à tous les trois, Olivier Lascar, Thomas Cavaillé, Marion Sabourdi, d'être venus dans notre émission. Merci également à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Céline Lausanne, Natacha Triou, Eve Etienne, Alexandre Morales, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Marie-Claire Oumabadi. Vous retrouverez Nicolas Martin lundi avec une émission consacrée à la bioacoustique, comment écouter et décrypter les langages animaux. Mais en mardi, on parlera du SLS, le lanceur super lourd de la NASA qui sera utilisé pour la prochaine mission vers la Lune des États-Unis. Mercredi, nous reviendrons sur les anticorps, un large spectre de potentiels couteaux suisses pour lutter contre plusieurs virus à la fois. Jeudi, on clôt le cycle Einstein avec le chapitre 3, l'héritage du grand maître. Et on terminera la semaine par une émission consacrée aux 1001 figures de martiens dans la SF. Un bestiaire tout vert ou tout gris, c'est selon. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi.